بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنكمل باب الجمعة. Aujourd'hui, nous conclure et achever ce chapitre du Jumu'ah. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 37 بعد المئة 137 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزل كتاب لا ريب فيه. وفي الثانية هل أتى على الإنسان. Selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le matin de Jumu'ah, au Fajr, deux sourates. La première, dans la première rakat, c'était sourate al-Sajda, la prosternation. Et la deuxième, c'est al-Insan, l'homme, entière. Dans chaque rakat, la sourate entière. Yaqulu fadilat al-Shi'a bin al-Saymin, rahimahullah ta'ala. Ar-Rawi, le rapporteur, c'est Abu Huraira. موضوع الحديث السجد الحديث بيان ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة pour indiquer ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم récitait comme Coran à la salat du Fajr le jour du Jumu'ah. يقول في الشرح الإجمالي يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة ألف لام ميم تنزل السجدة كاملة وذلك في ركعة الأولى بعد الفاتحة. Donc l'Abu Huraira informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le jour du Jumu'ah au Fajr dans la première rak'at récitait surat السجدة la prosternation entière وبعد, après la Fatiha ويقرأ في ركعة الثانية بعد الفاتحة surat هل أتى على الإنسان كاملة أيضا. Et que dans la deuxième rakat, après le Fatiha, il récitait surat al-Insan, l'homme, entière également. وَذَلِكَ لِجْتِمَالِهِمَا عَلَى ذِكْرَ مَبْدَى الْخَلْقِ وَغَيَتِهِ وَهُوَ كَائِنٌ فِي الْمُجْمُعَةِ فَإِنَّ فِيهِ تَمَّ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَفِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ وَلْيَكُونَ نَصْلُهُ فِي الْأَرْضِ. Il dit pourquoi ? Car ces deux sourates, justement, évoquent le début de la création de l'homme, ou de la création, et son objectif. Et que cela a lieu quand ? Le jour du vendredi. Car c'est le jour où Allah Azzawajal a complété la création des cieux. Et c'est le jour où il a créé Adam. Et c'est le jour où Adam a été sorti du Jannah. Pour que sa descendance puisse avoir lieu, se produire sur terre. Et c'est le jour où l'heure aura lieu. Et c'est ce jour-là où il y aura la résurrection, ainsi que la rétribution des actes. Tout cela, un jour du vendredi. Donc ces deux sourates parlent de cela, de ces événements-là. Yaqul fawaid al-hadith, parmi les enseignements utiles du hadith. أولاً مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة كل سورة بكمالها في ركعة يتذكر الناس بما كان وما يكون في ذلك اليوم. Donc il est légiféré justement de lire ces deux sourates dans la salle du Fajr le Jumu'ah, et chaque sourate doit être lue entièrement afin de que les gens se rappellent de ce qui est lié à leur création et de ce qui aura lieu après leur mort. Et que tout cela aura lieu ce jour-là, un Jumu'ah. Et dans une fois, toi, Cheikh Al-Othaymeen dit que il n'est pas de la sunna que quelqu'un, par exemple, coupe ses deux sourates. C'est-à-dire, dans la première rakat, il fasse la moitié d'une sourate, et dans l'autre rakat, la moitié de la sourate. Parce qu'il dit qu'il y a des gens pour qui cela est long. Donc il dit, je veux raccourcir pour eux, tout en faisant la sunna, en lisant ces deux sourates. On dit, ce n'est pas sunna de faire cela. Si les gens vraiment trouvent cela trop long et que tu ne veux pas les réciter, alors récite d'autres sourates, mais les couper en deux à chaque fois en pensant que cela amènera à la sunna, cela ne sera pas une sunna, cela sera une bid'a. Soit tu les lis entièrement chacune, ou soit alors, vu que ce n'est pas obligatoire, tu lis deux autres sourates si jamais les gens trouvent cela trop long et que cela amènera à une fitna, bien qu'à la base la sunna c'est cela, et il faut leur enseigner aux gens. Même hadith, et de là s'achève le chapitre qui concerne le jour du Jumu'ah. Walhamdulillah.